Il y avait dans les poches de mon père un trésor, c'était un petit livre qui le suivait partout. Les mots encadrés, expatrié, mis à mort, avaient été victimes de l'œuvre d'un fou. Il décide un jour de m'en lire un passage. Il prit sa voix de conteur extraordinaire, le visage éclairé par un fil de lumière, le regard perdu vers un lointain paysage. Il se vêtit sous mes yeux d'un nouveau costume, à mesure que ces mots remplissaient l'horizon, la pelouse où j'étais devenait un vallon dont les arbres poussaient une poésie posthume. Le vent se fit écho de ses moindres silences et mon cœur répétait tous les mots entendus, mais quand finalement le raconteur se tut, dans l'air vibrait encore le son de la sentence. À côté de moi, sur la pelouse adjacente, que je crus endormi, mais le son de deux balles lui enleva la vie dans une petite plainte de voix fracassante. J'ai regardé mon père, des larmes dans les yeux, et je me souviens qu'en ce douloureux instant, dans l'air flottait un parfum lourd et adipeux, le parfum mêlé de l'air humide et du sang. J'ai trouvé dans les poches de mon père un trésor, c'était un petit livre qui le suivait partout, les mots encadrés. Expatrié, mis à mort, avait été victime de l'œuvre d'un fou.